Écrivain à domicile. Écrivain à domicile, Bernard Lehu. Bonjour, pour ce deuxième rendez-vous de l'été, je vous propose de rendre visite à Michel Del Castillo. C'est un honneur et un privilège. Michel Del Castillo est l'un de nos grands écrivains. Prix Renaudot, prix Femina, Grand Prix RTL Lire. Il a publié en plus de 40 ans une œuvre unanimement saluée, respectée et profondément inspirée par ses racines franco-espagnoles et une enfance douloureuse. Abandonné, déporté, interné, Michel Del Castillo s'est réfugié très tôt dans la lecture et l'écriture. Elles l'ont sauvé, il le leur rend bien. À l'automne dernier, il publiait « La religieuse » de Madrigal, un roman historique évoquant l'incroyable destin d'Ana de Jesús, princesse bâtarde d'Espagne. À 74 ans, Michel Del Castillo a retrouvé le quartier latin de sa jeunesse. Et du balcon de son appartement où il nous accueille, la vue est imprenable. C'est le Sénat, le Panthéon, tout le quartier. Hein, c'est vraiment... Et puis c'est un très bel endroit. Moi, j'aime beaucoup le Luxembourg. Hein, c'est vraiment un très beau jardin, je trouve. C'est là que je travaillais quand j'étais jeune, en sortant de la Sorbonne. J'ai plein de souvenirs partout. Et puis, ça donne, c'est comme un poumon dans, au cœur de Paris, le Luxembourg, si vous voulez. Et puis, j'aime beaucoup ce palais. Les Médicis ont fait un truc superbe. C'est très beau. Puis, tout ce quartier est assez... C'est vraiment... Il n'y a pas d'endroit qui soit laid, hein, parce qu'on voit le Panthéon, d'accord, mais moi, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est Saint-Étienne-du-Mont, juste derrière. Hein. Et c'est vraiment le vieux Paris des collèges universitaires, des couvents, des machins, etc. Enfin, voilà. On réintègre l'appartement et la pièce qui vous sert de bureau. Oui, elle est vide. Donc, j'y vais le premier. Et on a de la chance, parce qu'il fait très beau, en plus, aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est un très bel endroit. Hein. C'est vrai qu'il fait très beau et très clair. Et c'est très agréable. Moi, j'adore cet endroit. Hein. C'est vraiment... Alors, on va s'installer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce ici où nous nous trouvons et qui donc fait office, entre autres, de bureau? Vous savez, c'est-à-dire que moi, j'étais un de ceux qui se sont mis le plus tôt à l'ordinateur. Avec, je crois, Umberto Eco, qui est aussi un des pionniers de la chose. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez sur ordinateur depuis combien de temps, Michel Del Castillo ? C'était avant qu'il n'y ait les disques durs à grande mémoire. On mettait des disquettes sans arrêt, on changeait toutes les quarts d'heure, d'un truc. Là. Je m'y étais mis très, très vite. Mm-hmm. Bon, on va peut-être s'asseoir pour que la conversation soit plus confortable, plus commode. Le bureau, très très d'apparence très fonctionnel. Ah, il faut, pour l'ordinateur, c'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Et alors, est-ce que autour de ce bureau, vous avez des objets? Bon, il y a beaucoup de photos, de bibelots. Est-ce qu'il y a des objets dont vous avez besoin, qui vous rassurent dans votre travail d'écriture, ou qui vous accompagnent tout simplement? Oui, ils m'ont accompagné pratiquement partout. D'abord, les photos, les... Vous savez, même des petits objets, parfois ridicules. J'ai un petit bateau, là, un voilier qui n'est pas très beau, mais qui a été fait par mon père en prison. Quand travaillez-vous ici? Est-ce que vous avez des horaires réguliers ou pas du tout? Comment organisez-vous vos journées d'écriture? Ça peut commencer très très tôt le matin, avec une interruption pour déjeuner. Je peux y passer 10-12 heures par jour, parfois, hein, quand je suis vraiment dedans. Hein. Mais je peux aussi passer quelques mois apparemment ne faisant rien. Je travaille dans mon cerveau, ça marche, etc. Quand je me mets généralement à écrire, c'est qu'un livre est presque achevé dans ma tête. Que c'est comme une formalité, si vous voulez. Je suis entré très tôt en littérature de façon à ce que c'est devenu ma respiration naturelle. Je n'y pense même pas, mais tout le temps, c'est tout le temps. Je crois que je vois le monde en littérature. Mais alors, est-ce que l'écriture, vous faisiez le parallèle avec la respiration, est-ce que l'écriture est aussi aisée, aussi facile que la respiration pour vous? Non, ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas non plus, si vous voulez, je n'aime pas beaucoup les expressions romantiques, les affres de la création, l'angoisse, la page blanche. C'est quand même... C'est pas facile d'écrire, mais c'est beaucoup plus difficile d'être mineur de fond quand il y avait des mines de fond à 700 mètres sous terre. Donc il ne faut pas non plus exagérer, mais comme c'est quelque chose qu'on sort de soi-même, ça engage une angoisse très très profonde à chaque fois. Est-ce qu'il y a une fatigue physique dans l'écriture? Ah oui, si, mais non. Vous savez que quand il s'enfermait, ça durait donc juste son mois réglementaire, un truc avec ses crayons, son truc, hein. Perdait 3 kilos. Et on se vide une part de soi, la substance, on est vraiment épuisé par moments. Vous voyez le mal de dos, les épaules, les tensions musculaires qui se mettent, au bout de 5-6 heures, ça peut être terrible, si vous voulez. Comme j'arrive pas à bouger en même temps que je suis complètement scotché, comme on dit aujourd'hui, dans mon fauteuil, donc c'est assez pénible. Il y a aussi le sentiment parfois de fureur ou de très grande mécontentement quand on voit une scène très nettement et qu'on n'arrive pas bien à la mettre en route. Donc il y a toutes sortes comme ça de petits énervements, plus les petits énervements tout bêtes, par exemple le mot qui vous échappe, le synonyme qui d'un seul coup vous échappe, vous en passez 10, 15, 20 en tête et puis celui que vous cherchez réellement. Mais comme il finit toujours par revenir au moment où on s'y attend pas, c'est pas très grave. Et la satisfaction, c'est lié à ça. Il arrive aussi que des passages entiers viennent tellement facilement et tellement bien qu'on se sent comme transporté. L'ambiance sonore maintenant, est-ce qu'il vous arrive de travailler en musique ou pas du tout ? Il m'arrive d'en écouter beaucoup, mais moi je suis né pratiquement sous un piano, ma mère était pianiste, j'ai une formation de pianiste pendant de longues années, je ne supporte pas de ne pas écouter la musique, c'est-à-dire que je ne supporte pas d'entendre une musique que je n'écoute pas, donc je n'écoute jamais, je ne mets jamais la musique quand je travaille parce que ce serait un fond sonore et ça m'insupporte. Donc c'est souvent avant de travailler ou après où je m'accorde vraiment une heure à l'heure de musique. Comme un recueillement pour moi-même, si vous voulez, quand je suis dans un livre, souvent c'est comme une sorte de tonalité selon les livres que j'écris dont j'ai besoin. Par exemple, là, pour votre dernier roman, La religieuse de Madrigal, qu'avez-vous écouté ? Beaucoup de chants grégoriens espagnols, médiévales, beaucoup d'orgues de Vittoria. Donc vous voyez, c'était une musique très religieuse. Michel Castillo, est-ce que vous avez des rituels dans ce travail d'écriture, des manies, des habitudes ? Les gens de mon entourage m'ont dit tout que oui, mais ça a beaucoup changé. Maintenant, je m'y mets vraiment comme une sorte de nécessité. Au moment où le livre, je sens qu'il est mûr, je m'y mets. Et parfois, il vient avec une grande facilité apparente. Seulement après, c'est terrible. Je vous dis parfois, je fais jusqu'à plus de 20 versions, avec des couples. Donc, après, il y a un travail sans fin, si vous voulez. Il faut d'ailleurs que j'arrête, généralement, à un moment donné, parce que je ne serai jamais satisfait de résultats. Surtout dans le travail de ce qu'on appelle le style, mais comme il y a l'admirable formule là-dessus, hein, qui est que le style, ce n'est jamais que le fond qui remonte à la surface. Hein, mais il faut que cette surface soit aussi aisé que possible, que le lecteur ne sente pas le travail, ne sente pas l'effort. On ne doit pas sentir l'huile de coude, ou alors c'est qu'on est un très mauvais écrivain. Que faites-vous des différentes versions ? Vous les conservez, vous les archivez, ou ça part à la poubelle ? Non, ça ne part pas à la poubelle, parce que j'ai quelques cerbères effrayants qui me piquent immédiatement, les mettent de côté, les rangent dans les archives, dans le truc. J'ai à la campagne une grande pièce avec les archives, et tout est... Puis elles sont numérotées, elles sont... Bon, je ne sais pas ce que ça peut servir, hein, mais enfin, voilà. Pour la postérité. C'est un mot qui vous fait peur. Mais on y pense forcément quand on est lancé dans une œuvre comme la vôtre, non ? Non, honnêtement, moi, je n'y ai jamais pensé en ces termes-là. Mais peut-être parce que je manque d'imagination, je ne vois pas si loin. Parce que, si vous voulez, c'est très difficile de ne pas être vaniteux et de ne pas être faussement humble. Non, ce que j'ai compris à un moment donné, et maintenant de plus en plus, c'est que tout ce que j'avais fait depuis l'âge de 20 ans a une telle cohérence que mes lecteurs, par exemple, sont très clairement, ils ont leur repère, ils savent très bien ce que j'ai fait, quels sont les thèmes que j'ai poursuivis, vers quoi, etc. Alors ça, oui, le sentiment d'avoir fait quelque chose de pour moi nécessaire, hein, pour moi et pour certains lecteurs, hein, mais pas plus. Est-ce que vous avez un carburant pour écrire, Michel Del Castillo ? Écoutez, il y en a un dont j'abuse, paraît-il, très très nettement, c'est le café. Je bois, sans m'en rendre compte, beaucoup de café quand j'écris. Je me lève souvent pour aller boire. D'ailleurs, je le laisse pendant des heures et des heures régulièrement, donc le café. Et puis la cigarette, je fume beaucoup pendant que j'écris. Donc, voilà. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est mon caractère et ma personnalité, si vous voulez. C'est que plus il y a de campagnes anti-tabac, etc., plus je me raidis parce que je ne supporte pas l'espèce de dictature hygiéniste. Ça m'exaspère. Je n'aime pas du tout. Une fois que je suis informé, je le sais, je veux qu'on me laisse tranquille avec ma responsabilité, mon truc. Je déteste ça, vraiment. Est-ce que ce travail d'écriture vous isole, vous coupe du reste du monde ? Est-ce qu'il y a une altération de votre humeur, de votre caractère, quand on dit votre entourage ? Un de mes amis me disait un jour, c'est vrai, il me disait, je sais quand tu vas te mettre à écrire, au fait que tu te mets à tousser. Il y a une petite toux nerveuse qui vient et je me dis, ça y est, c'est parti. Donc vous voyez, c'est souvent le regard extérieur qui voit plus de choses que moi-même. Hein. Quand vous n'écrivez pas, qu'aimez-vous faire ? Mais d'abord, évidemment, je lis, mais moi je lis énormément depuis la toute petite enfance. Donc je lis beaucoup. Quand je ne lis pas, je vais au théâtre. Quand je ne vais pas au théâtre, je vais au cinéma. Quand je ne vais pas au cinéma, je voyage. J'aime beaucoup voyager, mais avec de plus en plus de difficultés, parce que je suis un voyageur d'un autre temps. Hein. Je teste les voyages en groupe, les cars, les foules, donc il faut que je voyage un petit peu à contre-temps. Mais ça fait partie des avantages du métier, c'est que, après tout, je ne suis pas obligé de partir au mois d'août. Hein. Alors, ma dernière question, je vais vous demander tout simplement une définition du verbe « écrire ». Michel Castillo, définissez-nous le verbe « écrire ». Pour moi, c'est ce... Oh, comment je vous dirais ? Oui, c'est coucher sur le papier de la musique, hein, c'est comme une partition. Hein. Écrire, c'est toujours un acte d'optimisme. Vous pouvez écrire le livre le plus noir qui soit. Du moment que vous écrivez, c'est que vous faites acte de foi dans la parole humaine, si vous voulez. C'était Michel Del Castillo, Sauvé par les mots et la littérature. Dernier ouvrage paru, La religieuse de Madrigal. Je vous recommande également son excellent dictionnaire amoureux de l'Espagne. Michel Del Castillo, que l'on retrouvera à la prochaine rentrée littéraire avec un nouveau roman très attendu, La vie mentie chez Fayard. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur RTL.fr. Dimanche prochain, Écrivain à domicile vous emmènera chez Françoise Dorin. Et après le rappel des titres, Alain Duhaut vous donne rendez-vous dans Classique Classique d'été avec la musique espagnole. Ben oui, on ne l'a pas fait exprès. Bon après-midi sur RTL.